Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. You'll turn to that station. Mécanique. La mécanique des ondes. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 23e épisode de la mécanique des ondes. Trois quarts d'heure pour parler carrière radiophonique avec celles et ceux qui sont devant et derrière le micro. Alors aujourd'hui, je reçois un passionné de funk, de soul et de rhythm and blues. Je vais y arriver. Celui qui, après l'écoute d'une émission, me fait forcément dépenser des fortunes dans des disques. On le retrouve sur Move tous les lundis à 20h pour une heure de sélection soul R&B. Bonjour Francis Viel. Bonjour Cécile. Alors, vous êtes au micro d'une radio associative. Je voulais savoir si ça vous rappelle des souvenirs. Ah, ça rappelle plein de souvenirs. Comme mon petit camarade Mourad Mokaden qui était à ce même siège il y a quelques semaines de ça, quelques mois peut-être. On a commencé tous les deux, oui, sur une radio locale associative à Bourges, tout en haut d'une tour, et on s'est bien marré, et c'est comme ça que j'ai pris goût à la radio un petit peu par hasard. Alors, vous aviez quel âge justement à ce moment-là? Alors, c'est là où toute cette émission est très compliquée parce que j'ai une mémoire assez affligeante. On va dire une quinzaine d'années par là. Enfin, on était au lycée. Je crois qu'on a commencé quand on était en seconde. Et c'est un peu Mourad qui m'a tiré par la patte parce que moi j'étais très fan de musique. On écoutait beaucoup la radio à l'époque. C'était Fun Radio qui diffusait en plus pas mal de rock et un peu d'autres choses aussi. Il y avait pas mal de trucs un peu électro à l'époque, les Chemical Brothers, tout ça. Et donc on se faisait notre débrief le matin dans le bus en allant à l'école sur ce qu'on avait entendu la veille à la radio. Et du coup, c'est lui qui m'a attiré un peu là-dedans en me disant « Mais attends, puisqu'on aime bien la radio, toi t'aimes bien la musique, moi aussi, allons en parler dans un micro. » Et ouais, je pense qu'on avait une quinzaine d'années et on a fait ça, mais complètement à l'arrache. Enfin, vraiment, c'est... Oui, on s'est tout appris nous-mêmes, avec tous les défauts qui vont avec. Alors vous, justement, vous étiez un auditeur assidu de radio. Alors vous parliez de Fun Radio, mais d'autres choses à part Fun Radio. Vous écoutiez la radio beaucoup? Oui. Alors effectivement, ça a commencé parce que c'est l'âge aussi de l'auditoire de Fun Radio, même à cette époque. Donc à une quinzaine d'années, j'écoutais plutôt ça. Et puis plus tard, quand mes goûts musicaux sont un peu précisés, forcément, bah, étant en province, donc on n'avait pas toutes les radios qu'on peut trouver par exemple en région parisienne. Mais oui, très vite, le jour où j'ai découvert Bernard Lenoir sur Inter, ça a un peu ouvert mes horizons. En plus, la production musicale était quand même pas mal à cette époque-là, donc le noir se régalait, et puis il y avait vraiment plein de choses à découvrir. Et l'autre avantage, c'est que j'avais... alors là encore, Mourad, qui avait un cousin en région parisienne, qui ramenait souvent le week-end des cassettes qu'il faisait, il enregistrait Radio Nova ou des trucs comme ça. Donc pareil, on va dire, milieu, fin des années 90, l'explosion de la French Touch, le rap français qui se portait très bien, donc plein de trucs à découvrir. Et moi, j'ai un frère aîné qui vivait, qui a vécu assez tôt sur Paris, et du coup, Bourges, Paris, c'est 2 heures de train, c'est vite fait. Mais c'était quand même de l'import. Et c'était quand même de l'import, et j'allais régulièrement, du coup, sur Paris, et là, je branchais WeFM et j'étais ravi. Alors, vous avez donc 15 ans à ce moment-là. Est-ce que votre amour de la musique et de la radio, ça décide de la suite des études ou pas? Un peu, oui. Parce que je voulais à la base partir dans des études de journalisme. En fait, la radio, ça s'est fait un peu par défaut. C'est vraiment parce que Mourad m'a traîné là-dedans. Moi, à la base, j'avais ouvert Rock and Folk, je sais pas, à 13-14 ans. Je me souviens assez précisément de ça, d'une interview de Neil Young par Nick Kent, où Nick Kent raconte qu'il va voir Neil Young dans son ranch, qu'il se pose sur une colline, qu'il fume des choses pas tout à fait légales. Et après, il raconte toute l'histoire. Il parle de l'album, il parle de tout ça. Je lis le truc en étant un peu gamin et je fais « Mais je veux faire ça, c'est génial !» Moi aussi, je vais aller rencontrer Neil Young. Et du coup, c'était plus le côté journalisme musical qui m'intéressait. La radio comme média, ça s'est un peu imposé, par hasard, parce que Mourad m'a fait découvrir ça. Et après, j'ai découvert que quand même, la radio, il y avait un côté immédiat. On peut tout de suite partager la musique. Ce dont on parle, on l'entend tout de suite. Il n'y a pas le côté comme sur un magazine où on doit aller faire l'effort de chercher, surtout à l'époque où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Maintenant, c'est quand même plus simple. Mais effectivement, il y a le côté immédiat de la radio qui m'a plu. Et bref, tout ça pour dire que à la fin de mes études, je souhaitais me diriger vers un truc de journalisme sans trop savoir par quel biais m'y prendre. J'ai commencé du coup par partir en me disant bon, je vais faire fac d'histoire, je pourrais me ramener sur un truc de journaliste, je sais pas trop pourquoi je suis parti comme ça. L'histoire, j'ai fait j'ai tenu 2 mois je crois. Et puis on pouvait encore se réorienter, je sais plus combien de temps on a pour se réorienter en première année. Et je me suis orienté en fac d'anglais, j'ai complètement laissé tomber l'histoire et je suis parti en fac d'anglais. Et en pensant plus vraiment au journalisme, mais en me disant, j'aurais peut-être moyen de trouver un stage dans une radio. Ah d'accord. Alors, oui, en fac d'anglais, d'accord. Au moins vous avez appris une langue. Voilà. Donc vous avez compris toutes les chansons que vous écoutiez. C'est ça. Même si j'ai jamais été particulièrement attaché aux paroles, enfin à part quelques artistes, je crois que c'est aussi pour ça que je suis assez fan de musique instrumentale. Mais la sonorité, ouais, me plaît, la musicalité, mais les paroles, bon, ça dépend, ouais, voilà. Alors, la fac d'anglais, vous y restez quand même un petit peu. J'y reste un petit peu. J'ai fait 2 ans à Tours. En ponctuant cette fac de stage régulier à OuiFM. Puisque direct après mon bac, je suis allé faire, donc on est en 99, juillet, août 99 par là, j'ai tout de suite démarché, bah là encore j'étais pas complètement fixé que la radio était mon truc, donc j'avais demandé un stage aux Inrock, à Magic, auprès de Bernard Lenoir, et à OuiFM. Les seuls qui ont bien voulu répondre c'est OuiFM, ça tombe bien, j'écoutais ça quand je venais sur Paris. Et du coup, je suis allé faire un stage à OuiFM un petit peu par hasard. Enfin, c'était très étrange. Je suis arrivé pour mon premier stage. J'avais d'abord eu quelques petits entretiens téléphoniques et c'était flou un peu pour moi la radio. Quand on sort d'une petite radio associative, on sait pas trop comment ça s'organise, qu'est-ce qui se passe. Et on me dit, mais oui, mais tu veux faire un stage où? Tu veux faire un stage à la production, à l'antenne, à la programmation? Et moi, je sais pas, j'étais au téléphone et en plein été, je savais pas trop ce que étaient tous ces services. Et je fais, bah, programmation, ça a l'air super, programmation. Un petit peu au hasard. Et là, du coup, on enchaîne quelques communications téléphoniques plus tard et on dit, ok, bah, tu viens tel jour, telle heure et tu rencontreras Jean-Patrick Laurent, le directeur de la programmation et tu vas faire un stage à la programmation. Et donc voilà comment j'ai débarqué un peu à OuiFM. Mais là c'est un heureux hasard parce que pour vous fans de musique la programmation c'était impeccable. Bah je pense que c'est aussi pour ça que plus ou moins consciemment j'ai dit programmation, c'est parce que je savais qu'il y allait avoir des choses, il y allait avoir des contacts avec des maisons de disques, chose qu'on faisait quand même un tout petit peu déjà à Bourges sur notre émission. On allait quand même un peu au contact, on essayait de se débrouiller pour dégoter des interviews, des choses comme ça. Donc oui, je savais qu'il y avait quand même un petit peu ça, même si je savais pas quelle était l'étendue du travail exact. Alors justement, qu'est-ce que vous découvrez? Vous découvrez tout? Vous découvrez le métier de programmateur? Vous suivez pas à pas votre maître de stage, si on peut dire? Ouais, c'est ça, mon maître de stage, même pas que de stage. Je lui dois beaucoup, à Jean-Patrick Laurent. Je débarque un peu, forcément, on met pas les mains dans le cambouis quand on a 18 ans, qu'on est stagiaire, tout de suite à faire de la programmation. Donc en fait, il discute un peu avec moi, il voit un peu quels sont mes intérêts musicaux et il décide de me mettre un petit peu comme correspondant entre le bureau de la programmation et Mélanie Bauer, qui à cette époque-là anime l'émission Ketchup et Marmelade, qui est donc l'émission vraiment phare, ouais, de rock indépendant. C'est-à-dire que quand on était fan de rock indépendant, de trucs que ce soit british ou américain, il y avait que 2 choix un peu en radio, c'était Bernard Lenoir ou Mélanie Bauer. Et donc j'étais très flatté de me retrouver à bosser avec Mélanie Bauer. Donc là vous faites une présélection pour elle, pour son émission? Ouais, je fais assistant en gros, j'ai pas un énorme rôle, je peux lui amener des choses, on discute parce qu'on est tous fans de musique, on parle. C'était un peu une époque bénie à ce moment-là où OuiFM, tout le monde était fan de musique partout, ça discutait de musique à tous les étages, ça se vannait parce qu'il y avait aussi des petites chapelles mais toujours dans une bonne ambiance. Et donc ouais, je fais quand même un peu profil bas, c'est-à-dire que je la ramène pas trop, c'est quand même mon premier stage, quoi. Donc, je fais ce qu'on me demande de faire. Voilà. Bon, Francis, c'est le moment de la première pause musicale, et qu'est-ce que vous avez choisi? Eh ben, R, La Femme d'Argent, qui est le morceau couvre leur premier album, Moon Safari, parce que oui, ça représente plein de choses, c'est à la fois la musique qu'on passait dans notre émission avec Mourad quand on était sur notre radio locale à Bourges, que justement il m'a fait découvrir tous ces trucs là la première fois où il débarque, ben donc toute cette période French Touch, même si R c'est pas vraiment de la French Touch, où il me... c'est discutable, c'est vrai, mais bon, c'est pas de l'électronique, mais disons qu'ils ont les acquaintances, ils sont copains avec toute cette clique là, et il me ramène ce disque genre R, moi je comprenais pas, je fais quoi, la lettre R, non c'est R comme l'air. et donc voilà, enfin moi qui étais à fond rock'n'roll, c'est le jour où enfin ça a ouvert un peu mes horizons, et puis voilà, avec cette petite touche vintage, ce petit truc où là j'ai découvert aussi que bah il se passait des choses avant l'époque dans laquelle on vivait, donc les années 90, il y avait une musique avant, il y avait des gens qui s'en influençaient, qui faisaient des mix, etc. Et donc d'un coup il y a tout un monde qui s'est ouvert, parce que là encore, bah, on était dans les années 90, il y avait beaucoup de chapelles, et c'est un peu grâce à R que je suis sorti de ces chapelles, et je suis très très fan de ce groupe depuis ce moment-là. Avec la femme d'argent sur Fréquence Protestante que vous connaissez, et oui, puisque c'est notre tapis de présentation de programme le lundi soir et le samedi soir, que j'ai toujours le plaisir de faire d'ailleurs. Pour le moment, on est dans la mécanique des ondes, hein, avec Francis Vial, et c'est en tout cas le choix de sa première pause musicale avec ce groupe français, donc de la French Touch. Oui, en tout cas... Affilié. Affilié à la French Touch. Alors, Francis Vial, on vous a laissé à WeFM en stage, donc auprès du programmateur. Vous aidiez donc Mélanie Bauer dans la programmation de son émission également. Je voulais savoir qui vous suivez d'autre, du coup, à WeFM, là. Vous allez découvrir tous les métiers, vous fouillez, vous... Ouais, un petit peu. Mais en fait, je suis de nature assez timide, donc c'est vrai qu'au début, en tout cas, mon premier stage, donc qui était 99, je me suis un peu cantonné à ce qu'on me donnait à faire et je rasais les murs. En plus, il y avait vraiment plein de personnalités très forte à WeFM, des gens qu'on connaît ou qu'on connaît pas, enfin des Daniel Morin qui eux oui sont connus, d'autres qu'on connaît moins, qui étaient un peu des gens de l'ombre, mais vraiment forte personnalité, que ce soit les gens de la production, les Marco Grunfeld, les Eric Holstein, etc., qu'on impose d'un coup, et vraiment on sent qu'on arrive dans une famille assez soudée qui existe depuis longtemps. Et faut pas trop la ramener. Faut faire ses preuves. Pareil, même un Dom Thiris, qui est une figure, qui est un pilier de cette radio depuis toujours, va vous accueillir. Mais bon, au début, on sait qu'on va pas tout de suite être pote avec Dom Thiris, parce qu'il faut l'apprivoiser. Faut apprivoiser, ou en tout cas, faut se faire, faut se faire accepter peut-être un peu, mais enfin c'est pas aussi dur que ce que j'ai l'air de dire, hein, mais voilà, en tout cas quand on est un peu de nature timide, ouais, je rasais un peu les murs, donc du coup voilà, le premier stage, parce que j'en ai enchaîné, c'est passé comme ça. J'étais très content, j'avais quand même de bons rapports avec tous les gens dans cette radio, ce qui m'a permis, après être retourné à mes études à Tours, de revenir refaire un stage, donc toujours à la programmation du coup. Et de là, bah, je crois que je continuais à travailler avec Mélanie. Il y avait peut-être Yenzi Touni qui était là aussi, qui commençait à prendre un peu des émissions spécialisées. Il y avait l'émission avec Vali, Stéréo Plus, Stéréo Presse, Stéréo Live. Donc là, je l'aidais sur sa revue de presse de Stéréo Presse. Aller lui chercher des lives, aller lui faire des petites choses comme ça. Donc toujours vraiment un peu comme assistant sur les émissions spécialisées. Ce qu'aurait été le cas encore après, donc là je sais plus à combien de stages j'en suis à OuiFM, quand Christophe Crenel est arrivé, et du coup lui aussi a repris un petit peu ce que Mélanie avait laissé à ce moment-là, donc a repris un peu le créneau émission spé, et Yann Zitouni aussi d'ailleurs avait laissé ça, et donc voilà, je l'ai aidé là encore sur une émission qui était toujours un peu rock indé, qui touchait un peu plus à l'électro, l'électropop. C'était la période, on était au début des années 2000, il se passait plein de choses très excitantes. Alors faut que je vous coupe avant, Francis, parce que vous faisiez de l'antenne donc avec Mourad à Bourges. Dans vos stages, vous avez pas du tout l'occasion d'en faire, parce que vous avez cette envie d'en faire, vous proposez? Je propose, j'en avais parlé à Mélanie qui me trouvait peut-être un peu trop vert. Je lui écrivais du coup une chronique, parce que j'étais très fan, enfin je suis toujours très fan de pop et rock japonais. Alors, pas, il y a des trucs très honteux, mais c'est très spécial. Ouais, ça, ouais. Francis. Mais il y a des trucs vraiment super intéressants. Et oui, parce qu'entre temps aussi, j'ai aussi fait des études de japonais. Enfin, bah, je me suis un peu perdu. Il y a anglais et japonais, donc. Ouais. Bah, j'expliquerai le pourquoi du comment juste après. Mais du coup, oui, avec Mélanie, je lui avais proposé de faire une chronique, simplement appelée Made in Japan, où chaque semaine, je proposais une nouveauté de trucs japonais, parce que là encore, il se passait plein de choses au début des années 2000. Sur cette scène-là, et je sais pas pourquoi, je pense qu'elle me trouvait trop vert, et je pense qu'elle avait sûrement raison. Je lui écrivais la chronique, mot pour mot, et donc c'est elle qui la faisait, mais non, à ce moment-là, je faisais pas d'antenne. C'est avec l'arrivée de Christophe Crenel que j'ai commencé à faire un petit peu d'antenne et un peu de chronique. Mais vous vous souvenez au bout de combien de stages vous en étiez, ou pas à ce moment-là? Je sais pas. Bah en fait, alors premier stage en sortant du bac, deuxième stage après ma première année d'anglais, deuxième stage après ma deuxième année d'anglais, c'est là où je négocie, parce que quand on est lié à une académie, on peut pas forcément venir tout de suite sur Paris, surtout quand il y a les études qui existent dans son académie. C'est là où, malin, je me dis, je vais faire des études de japonais, il y a pas ça dans la région centre. Ah, c'est pour ça, c'est la raison. Et voilà, donc comme ça, je serai inscrit sur Paris, je serai à Paris et je pourrai bosser à OuiFM. Et donc du coup, tout en faisant mes études de japonais, je bossais à OuiFM. D'abord en stage, j'étais un peu à moitié à la fac, à moitié à OuiFM tous les jours. Il se trouve que... parce que ça a un peu dépassé le stage. Ouais. Il se trouve que le japonais, j'aime vraiment ça. J'ai vraiment pris goût à ces études, et voilà, bref. Mais donc, ça me permettait aussi de venir bosser. Et donc, oui, bah, c'est, on va dire, troisième stage, un truc comme ça. Troisième stage et demi. D'accord. Alors, qu'est-ce qui change avec l'arrivée de Christophe Crenel? Eh ben, le fait que, justement, c'est ça, il me pousse un peu, qu'on s'entende très bien, et qu'il me pousse un petit peu à l'antenne. Quoique, je dis que c'est avec lui que j'ai commencé, et tout en parlant, il faut savoir donc que j'ai une très mauvaise mémoire. Je crois que je faisais quand même un petit peu d'antenne à ce moment-là, parce que je me suis retrouvé à faire du standard le soir avec Thomas Cosset, qui était le soir juste avant le monde de Monsieur Fred, et Stéphane Chéron, dit Zuzu à l'antenne. Et on avait notre petite équipe de trois, il y avait Jean-Mathieu Pernin aussi qui était là à ce moment-là, et on avait notre petite équipe de trois ou de quatre, ça dépendait des périodes, pour lequel j'assurais le standard, mais à l'antenne, donc je parlais quand même un petit peu dans le micro. Et au début, c'était juste annoncer des résultats de votes d'auditeurs, parce qu'on avait tout un petit classement de musique par les votes d'auditeurs. Et de fil en aiguille, le truc est un peu parti en sucette, où on est parti à faire des sketchs, à faire un peu n'importe quoi. Et donc, je crois que c'est à peu près en même temps, en fait, où je commençais à faire des chroniques avec Christophe. Donc, ouais, finalement, je me suis retrouvé de pas du tout au micro à pas mal au micro. Alors, je reviens justement un petit peu, parce que donc vous en faisiez étant ado du micro. Là, vous vous retrouvez sur quand même une grosse antenne, tout en étant timide. Comment vous gérez justement ces directs, ces chroniques au milieu d'une équipe? Alors, avec l'émission du soir qui s'appelait Les Soirées de l'Ambassadeur, ça se gérait très simplement, parce que c'était une sorte de grand n'importe quoi, et donc c'était complètement freestyle. Mais ça marchait bien, on se marrait bien, et visiblement ça plaisait pas mal aux auditeurs. Donc là, il n'y avait pas trop de pression parce que c'était vraiment la récréation, genre passé 20h, la porte de la radio est fermée, il n'y a plus que nous et c'est les sales gosses qui s'amusent au micro. Et avec le côté un peu plus sérieux, on va dire un peu plus journalistique, avec Christophe Crenel, bah, l'avantage, c'est Christophe Crenel qui m'a beaucoup drivé, qui m'a beaucoup appris, qui m'a beaucoup expliqué comment construire une chronique, comment faire, comment parler, comment s'adresser, comment quelles infos mettre en avant, etc. Mélanie m'avait déjà expliqué quand même des choses comme ça avant, même si j'étais pas directement au micro, mais ouais, avec Christophe, il m'a vraiment pris sous son aile, il m'a vraiment appris des trucs. Alors oui, à part l'antenne, il vous apprend quoi ? Qu'est-ce qui vous fait faire ? Eh ben, bonne question, qu'est-ce qui me fait faire ? Mon défaut de mémoire, c'est terrible. Là. Non, bah, il me fait faire des chroniques, il me fait aller rechercher des infos, il pousse ma curiosité musicale. Je suis d'un naturel un peu, oui, curieux, mais feignant aussi. Et du coup, Christophe a un peu me poussé derrière en disant « Mais t'as pas vu ça, j'ai entendu parler de ça, j'ai pas eu le temps d'écouter, mais va voir, ça peut t'intéresser, etc. » Il me pousse à faire mes premières interviews aussi, il me pousse à forcément, bah, avec les interviews, derrière on apprend le montage, on apprend tout ça, on apprend plein de choses. Donc oui, il me jette un peu dans le bain, quoi. Et donc ce stage qui devient plus ou moins quotidien, hein, d'après oui, ce que j'ai compris. Oui, et puis au final, enfin, de stage, je finis par me faire embaucher, hein, parce que je travaille toujours un petit peu un pied avec la programmation, mine de rien, à faire le lien entre les émissions SP et la programmation. Donc l'un dans l'autre, oui, à un moment, je finis par me faire payer pour de vrai. D'accord. Et alors, du coup, vous êtes votre première fiche de paye. Elle est en tant que quoi ? Elle est en tant que ça doit être ce truc un peu fourre-tout de assistant spécialisé ou un truc comme ça. Ça doit être. Je crois que ça doit être ça, ma première fiche de paye. D'accord. Et ça va être le moment de la deuxième pause musicale. Francis Vial, vous avez choisi quoi ? J'ai choisi Larry Williams et Johnny Guitar Watson, un duo de vieux soulmen qui pareil. Je pense que c'est très dur de choisir juste deux morceaux pour une émission. Ah, je sais bien. Excusez-moi. Je sais. Heureusement qu'il y a vos émissions pour se rattraper après. Merci. Mais je me dis que ça résume pas mal toutes les choses. Je viens vraiment de du rock'n'roll et j'ai découvert au fur et à mesure. Bah déjà grâce, enfin déjà dès le début avec Mourad, je découvrais tous les trucs un peu soul et funk, etc. Et encore plus avec tout mon parcours musical. Et je me dis que ça résume tout parce que c'est un morceau de soul. Mais qui est ultra rock'n'roll. On remplace les cordes ou toute la rythmique et tout ça par des guitares saturées. C'est presque un morceau de punk. J'adore ce morceau, mais j'ai pas de mots pour dire à quel point j'aime ce morceau. Hey, Mr. Watson, listen to what the lady told me. She said, Larry, I'm sorry, I gotta go. Take your word, man. It make your poor heart wanna break. This is what I told her. You and your new love, keep on keeping on. I know that love and feeling is gone. I'm too late, way too late, baby. Too late. You done messed up your good thing. I'm through with you, girl. Tell her to keep that love, man, if that's what she call it. She'll mess around and be the major alcoholic. Sorry about that. I gave her my heart, she only used. She took my love and she abused it. You gotta find a girl that will treat you right. That'll give you plenty of loving every night now. That's what I told you. You and your new love, keep on keeping on. I know that love and feeling is gone. Too late. Way too late, baby. Too late. You done messed up your good thing. Through with you, girl. You can go on and find you somebody else. I can live cheaper by myself. Don't need no woman to help me starve to death. Can you dig it? Hey Watson, dig this. This is what I told her. I don't want no one who don't love me, who keep on dishing out misery. You don't want nobody that don't treat you right. She got to love you every night now. But dig this. You and your new love, keep on keeping on. I know that love and feeling is gone. Too late. Way too late, baby. Now. Too late. You done messed up your good things. Your ship is gone by, baby. I'm gonna find me somebody new. It's too late. Larry Williams, c'est Johnny Guitar Watson avec Too Late dans la mécanique des ondes. C'est votre deuxième choix, Francis Vieille. Alors Louis, là, c'est un peu différent de R. Hein. Mais ouais, un bon vieux morceau de Northern Soul comme ça. C'est le genre de morceau où on descend la rue en écoutant ça au casque, on se sent invincible. Je surkiffe ce morceau. Vraiment. Ah oui, ça vous donne la patate. Ah ouais, non, mais je le trouve complètement dingue. Il y a une énergie dans ce titre et ouais, je sais pas, ça doit peut-être être 67, 68. C'est presque punk avant l'heure. Enfin, c'est génial. Alors, je vous ai laissé à WeFM, donc du coup, vous apprenez beaucoup, beaucoup de choses avec Christophe Crenel. Oui. Alors, est-ce que vous demandez des émissions? Est-ce que, du coup, vous, maintenant, si vous apprenez des choses, vous avez peut-être un peu envie de vous exprimer? Alors non, parce que je suis pas mal occupé à bosser de plus en plus à la programmation musicale, à devenir programmateur, c'est-à-dire qu'il y a le directeur de la programmation qui met aussi les mains dans le sélecteur, et moi je passe mon temps à faire presque que du sélecteur et à être aussi son assistant, à gérer tous les rendez-vous avec toutes les maisons de disques, à caler les sessions acoustiques et tous les invités et tous ces trucs-là. Et il y avait beaucoup de live à l'époque à WeFM. Ouais, il y avait beaucoup de live à WeFM, et donc il s'en passait quand même pas mal, et du coup j'étais beaucoup pris... En fait, oui, je bossais à la programmation musicale, voilà. Et l'antenne, finalement, c'était un à côté. C'était devenu un à côté. Donc, j'ai fait, je sais pas, 4-5 ans peut-être comme ça de programmation musicale assez intense, en travaillant un petit peu de temps en temps à côté avec Christophe. D'accord. Donc, vous travaillez sur quelles émissions ? Toutes, en fait. Non, quand j'étais à la programmation musicale, je faisais vraiment la programmation de toute l'antenne. Enfin, je faisais la programmation, là encore, c'est Jean-Patrick Laurent, le directeur de la programmation musicale, qui choisit les titres. Moi, je faisais la petite main, le sélecteur. Enfin, on en discutait quand même entre nous. Il y avait Bertrand Rutili aussi à l'époque qui était là sur la prog. Et donc, moi, je faisais un peu, la petite main, le côté assistant et tout ça. Et ça prend des journées complètes très très longues, mine de rien, et pour faire tourner une radio et 24 heures de radio. Quand après sont arrivées les web radios de WeFM, ça multipliait les antennes. Il fallait aussi s'occuper de tout ça. Donc, j'avais ma petite chronique dans Spoutnik, l'émission de Christophe Crenel, et je crois pas que j'avais trop d'autres choses à côté. Si à côté je faisais les traductions pour les sessions acoustiques d'artistes anglophones. D'accord, et ça dure pendant combien de temps ça? Je sais plus. On était en quelle année? Mais là on devait être peut-être en 2000, je sais pas, 3, 4, quelque chose comme ça. Et ça dure jusqu'au rachat de WeFM par Arthur, donc si je me plante pas, c'est 2009, c'est ça? Un truc comme ça. Peut-être bien. Et donc 2009, du coup c'est que ça a duré assez longtemps et suffisamment de quoi se marrer. Et arrivé le rachat d'Arthur, le vent tourne, c'est l'occasion de partir sur de nouvelles aventures. Et en janvier, février, comme le move à Radio France venait aussi de changer de directeur, qu'il y avait Hervé Rizen et Gérald Roux qui venaient d'arriver à la tête du MOVE. Ils cherchaient un peu du sang frais, et voilà, donc c'était l'occasion, faisait le larron pour D'accord. aller voir ailleurs. D'accord, alors justement, vous, qu'est-ce que vous proposez, une candidature à MOVE pour pourquoi? Pour des émissions? Comment ça se passe, Début, ce transfert? Au début, parce qu'on avait discuté un petit peu avec Gérald et que je me sentais parce que c'était vraiment là où j'avais le plus d'expérience, l'âme de programmateur, et que je savais qu'il cherchait aussi un programmateur à ce moment-là, je lui ai dit, dis donc bonhomme, c'est pour moi ton travail. Et l'un dans l'autre, visiblement ils avaient déjà quelqu'un d'autre en ligne de mire, ça s'est pas fait, et bon, Gérald, sachant aussi que je faisais un petit peu d'antenne, un peu de chronique, un peu d'interview, il me dit, mais dis donc, on a besoin de quelqu'un pour faire les chroniques, enfin pour être le monsieur musique du MOVE, faire toutes les interviews musicales pour l'antenne. Est-ce que ça te dirait pas? Et là, j'ai dit, ouais, bien sûr, carrément, c'est challenge un peu excitant. Et en même temps, je dis ça, ça s'est pas fait tout de suite. D'abord, il m'a dit, viens faire des essais d'antenne de flux. L'antenne était basée à cheval entre Paris et Toulouse. Donc, je suis descendu tout un été à Toulouse. J'avais déjà fait un peu d'essais entre mars, avril, mai. Je descendais de temps en temps faire des remplacements, et j'ai fait tout un été de remplacement d'antenne. Et je crois qu'il était un peu intéressé par moi pour la matinale du MOVE. Normalement, je sais qu'une matinale, ça se refuse pas. Je crois que le problème, c'est que je me suis jamais vraiment senti l'âme d'un matinalier, parce que à driver une matinale, c'est quand même un truc. En même temps, je sais pas, peut-être que si l'occasion se représente, je reconsidérerai ça. Mais du coup, il fallait aussi aller déménager à Toulouse. Bon, je suis fan de rugby, je suis fan de bonne bouffe, normalement ça pouvait fonctionner, mais voilà, j'avais encore trop de choses à faire à Paris. Et du coup, l'un des postes qui était possible sur Paris, c'était ça, c'était d'être reporter musique pour toute l'antenne. Et Alors là, c'est un autre type d'adrénaline, hein, parce que les interviews, c'était pas forcément à la Maison Ronde, vous alliez interviewer les artistes. Ouais, et d'ailleurs, je préfère, et encore aujourd'hui, quand je fais des interviews pour mon émission, je préfère les faire à l'extérieur, parce que la Maison Ronde, il y a quand même un côté... Il y a un confort. Il y a un confort, il y a une sorte de poids aussi, il y a un côté où on est en studio avec un technicien derrière la vitre, l'artiste à côté, il y a un traitement de son que les invités ont dans le casque qui fait que il y a moins de dynamique en fait, on est beaucoup plus, c'est ça, effectivement, confort, et alors que quand on va les voir, bon, en général c'est des bars, c'est des chambres d'hôtel, c'est des trucs comme ça, mais on peut quand même plus être dans un rapport vraiment tout de suite face à face, on est que deux, on est que tu l'as en face de l'autre, et oui, du coup il peut y avoir un peu plus d'intimité aussi, même des fois dans ces moments-là, et du coup on peut arriver à leur faire dire, même s'ils sont en rendez-vous promo, enfin voilà, ils sortent à peu près tous les mêmes phrases au même moment, mais des fois on peut arriver à leur faire dire des choses qu'ils diraient pas forcément dans un studio de la Maison Ronde. Et donc oui, autre dynamique complètement sur ce boulot de reporter musique. Alors ces interviews après, ils sont diffusés dans diverses émissions? Ouais, alors diffuser de temps en temps, la matinale peut reprendre des choses si ça les intéresse. Une chronique régulière dans l'émission d'Émilie Mazoyer et Jean Z, dont j'ai oublié le nom, je crois que c'était La Grande Scène ou un truc comme ça. J'ai petit trou de mémoire. Et puis j'avais quoi d'autre ensuite, ça a été ensuite j'ai pas mal bougé. J'avais des chroniques aussi le soir quand le Rallyman est arrivé à l'antenne. J'en ai eu après le matin chez Charline Roux. Toujours quand même un petit quelque chose l'après-midi en général dans le drive time. Et puis j'ai aussi eu des chroniques le week-end quand Christophe Crenel était le week-end. Donc c'était un peu de la chronique qui se mettait là où il y avait besoin, là où il y avait un peu besoin de contenu, là où c'était des émissions quand même à dominante musicale, et avec toujours cette possibilité de dire voilà, il y a toutes ces interviews qui sont faites pour l'antenne. Si vous en avez besoin, vous en servez pour les flashs, vous en servez pour la matinale, etc. Donc tout le monde allait piocher là-dedans quand il y avait besoin. Et à quel moment et comment vous décelez cette émission d'une heure et que vous arrivez à la décrocher? Alors, mon émission de soul music d'une heure, c'est arrivé avec les mains de changement de patron au Move. Faut savoir que ça a changé plus ou moins tous les ans. Hein. Moi, ça va faire quoi? Ça va faire 5 ans, peut-être. Non, c'est peut-être ma 6e année là que je suis au Move et j'en suis à mon 4e patron, oui, je crois. Donc c'est pas mal. Et donc oui, parce que du coup Hervé Rizen et Gérald Drou ne restent pas longtemps parce qu'ils ont été nommés par la présidence précédente de Radio France. Donc là, la nouvelle présidence, Jean-Luc Hiez, décide de mettre quelqu'un d'autre à sa place. Il met Patrice Blanc-Franquiard. Et Patrice Blanc-Franquiard, on discute, il veut un peu moins de chronique du coup, mais il dit si t'as des idées, si t'as des choses à proposer, vas-y. Et moi, j'avais très envie de faire une émission au début, je pensais faire un truc un peu juste 60s. Je suis très fan de musique 60s dans son ensemble. J'ai vraiment une culture qui vient d'abord du rock british 60s. Et tout ça, c'est très lié avec la soul music, la Northern Soul. Et puis, je me dis, mais faire une émission de soul aussi, ça a jamais vraiment été fait. Enfin, si, ça existe. Mais je me dis qu'il existe plein de choses aussi actuelles. Il se passe plein de choses. Et faire le pont entre ce qui se passait dans les années 50-60 et faire le pont avec ce qui se passe aujourd'hui et faire comprendre aussi que toute cette musique-là, elle est encore vivante, et en même temps c'est grâce à celle-là que existe tout le rap et tout le R&B que vous pouvez écouter aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu ces gars-là avant. Je me dis qu'il y avait matière à faire des émissions intéressantes, et surtout aussi en réalisant que la soul music c'est un puits sans fond et qu'on découvrira toujours des trucs. Enfin, on connaît pas tout, qu'on n'a pas fait le tour et on fera jamais le tour. Il y a eu une telle production, il y a tellement de 45 tours qui sont encore sous la poussière et qui restent à découvrir. Bref, je propose ça à Patrice Blanc-Franquard, et il a une bonne sensibilité en plus sur ce genre de musique là, et donc bah oui, c'est lui qui d'abord m'a donné le feu vert pour faire cette émission qui d'abord était une émission d'été, qui était une émission en fait de grille de vacances. Donc l'été, l'hiver, après ça s'est glissé sur des grilles de week-end. Je sais plus si ça a commencé par deux fois le week-end ou une fois le week-end, parce que ça a pas mal changé. Ensuite, quand est arrivé Mathieu Boval et Joël Ronez à la direction du Move, je crois que j'étais à deux fois par semaine, donc samedi et dimanche. Bon. Ça a navigué au gré des changements de grille. Et alors en parallèle, il me semble que vous êtes journaliste presse écrite. Eh ben non. Non, j'écris de temps en temps des petites biographies, des choses comme ça, mais non, je fais pas trop de presse écrite. J'ai tenté comme ça vite fait, mais je crois qu'ils ont tout le monde qui leur suffit. Alors je me suis peut-être trompée, mais en tout cas une chose dont je suis sûre, c'est que vous faites partie d'un groupe. Oui, de deux groupes même maintenant. Ça c'est un peu grâce au move pour le coup. À un moment où je remplaçais, parce que oui, de temps en temps je faisais aussi des remplacements antenne, je remplaçais Christophe Crenel qui animait Francosonic, donc je le remplaçais sur toute une semaine. Et je reçois un disque d'un groupe à cheval entre la Bretagne et la Normandie qui s'appelle les Kitchenettes. Un joli 25 cm vinyle accompagné du petit CD gravé avec toute la musique qu'il y avait sur le 45 tours. Et j'écoute ça, truc très 60s, enfin pareil, truc qui me parle vraiment dans le délire des Compil Whiz, si vous connaissez ces Compil Whiz, les trucs un petit peu obscurs, c'est-à-dire le ce qu'il y avait dans l'ombre des yéyés dans les années 60 en France, parce qu'il n'y avait pas que des trucs gnangnans. Et j'écoute ça, je fais wow, c'est vachement bien en fait, super. Et j'appelle le numéro qui avait dessus et je dis au mec, écoute, il se trouve que cette semaine, ça tombe bien, je remplace sur l'émission de musique francophone, donc je trouve ça cool, je vais le passer ce soir ou demain. Le mec, super, merci. Et puis on reste en contact parce que moi, mon job en général, c'est plutôt de faire des interviews d'artistes. Donc s'il y a une sortie d'album, un truc comme ça, ça m'intéresserait carrément d'en parler. Il n'y a pas eu de sortie d'album, mais on est resté en contact et on s'est recroisé. Et à un moment, il a fait « Dis donc, je cherche un guitariste, ça t'intéresserait pas ?» Et là, j'ai dit « Banco ». Oui, parce que en parallèle, vous êtes musicien, donc vous avez appris la guitare ? Ouais, la guitare. Et moi, j'ai commencé par l'orgue quand j'étais tout gamin, mais parce qu'on sait jamais trop ce qu'on veut faire. Et puis, il y a ma mère qui m'a dit... Quand même. Généralement, c'est le piano dans le salon de la maison. Hein. Mais il y a ma mère qui m'a dit « Oh, il donne des cours d'orgue à côté, tu veux pas y aller ?» Moi, j'étais tout môme, je savais même pas trop ce que c'était. J'ai dit oui, pouf, comme ça. Ça m'a vite saoulé, en fait. Ça m'a pas trop amusé. Mais j'ai appris la guitare. Oui, mon père était guitariste. Il m'a montré vite fait trois accords. Et puis après, j'ai pu m'amuser. La mécanique des ondes. L'invitée précédente, Christina Guilloton, qui est co-animatrice et productrice de la matinale Bruno dans la radio, vous pose une question. Alors Francis, tu es animateur, on a tous vécu des grands moments de solitude à un moment donné dans notre carrière. J'aimerais connaître le tien, mais attention, le pire. Le pire en tout cas, je pense celui qui m'a le plus marqué, je pense qu'il y en a eu, quelques-uns, mais le pire, celui qui m'a le plus marqué, c'est justement au début quand je commençais à faire des remplacements antennes sur des tranches de flux, où je me suis mis à balbutier, à savonner comme pas possible, et surtout à ne jamais pouvoir reprendre ma phrase, parce que je me suis trop sûr de moi, j'allais à l'antenne juste avec des notes, j'écrivais pas, il y a des animateurs qui font ça très très bien, moi pas. Voilà, moi je révèle le truc, j'écris tout, parce que même si au final je ne lis pas tout ce que j'ai sous les yeux, je sais que j'ai mon garde-fou et que quand je me vautre, je peux me retrouver sur cette phrase et c'est bon. Et ça, je le fais depuis que j'ai balbutié. C'était affreux, c'est-à-dire qu'à un moment, je me suis même arrêté de parler. J'ai essayé de reprendre, les mots sortaient pas. Je savais pas ce que je voulais dire, je savais pas où je voulais aller. Le cauchemar, j'ai l'impression que ça a duré 5 minutes. Finalement, ça a peut-être duré que 20 secondes. Mais même 20 secondes, c'est très long en radio, c'est très très long. Donc ça, ouais, c'est un grand, grand moment de solitude. Alors, on passe au questionnaire rapide. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence? Peut-être pas mon enfance, mais mon adolescence, je pense Oui FM, même si je l'écoutais pas tous les jours. Quelle radio vous réveille le matin? Ça dépend. Nova, pas mal. C'est plutôt mes disques qui me réveillent le matin. Quelle radio vous endort le soir? Un peu FIP, pas mal TSF. Un endroit où vous écoutez toujours la radio? La voiture. Un endroit où vous ne l'écoutez jamais? Sur ma Vespa. Votre meilleur souvenir de radio, s'il n'y en a qu'un à retenir, et je sais que c'est difficile. Je sais pas. Non, ouais, c'est vrai que c'est très compliqué. J'aurais dû réfléchir à ça avant. Je sais parce bien. Que non, il y en a quand même un paquet. Il y a eu tellement de rencontres en fait, que ce soit quand je traduisais les interviews à OIFM ou quand moi je faisais des interviews pour le Move. Il y a eu tellement de moments touchants. Je sais pas. Une interview de Bobby Womack. Peut-être parce qu'il est décédé peu de temps après. Ça reste un super souvenir, mais il y en a un paquet d'autres. Alors, le pire souvenir? Ce moment où je balbutiais, où j'étais perdu tout seul derrière le micro. C'était affreux. Non, en plus, j'étais pas tout seul avec le technicien en face qui me regardait et qui savait pas quoi oui, faire non plus. Oui, il ne pouvait rien faire. Qui savait pas. C'était affreux. La dernière question, c'est un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio aujourd'hui? Être curieux, ne rien lâcher, ne pas s'arrêter aux portes qui se ferment, et puis ne pas hésiter à, oui, justement, à commencer sur des radios associatives, parce que des fois, certaines personnes peuvent se dire que ça va leur tomber tout cuit dans le bec, et que c'est peut-être, ça manque de prestige, les radios associatives, ça manque pas de prestige du tout, et c'est super formateur, et voilà, faut y aller. Et faut manger du micro. Et allez, la dernière question bonus, si vous aviez une émission rêvée, laquelle serait-elle? Une émission rêvée, genre qu'aurait existé et que j'aurais voulu faire. Non, celle que vous voulez animer. Celle que je voudrais animer. Je suis assez content, mine de rien, avec mon émission, mais si... je sais pas, non, si pouvait y avoir un peu de... Genre des gros moyens, un peu de live, une sorte de Soul Train, l'émission télé qui existait aux États-Unis, avec qui puisse y avoir un peu du live, qui puisse y avoir du public, qui puisse y avoir plus de vie forcément, quoi, que juste passer des disques. C'est vrai que c'est toujours plus excitant. Une petite émission à l'ancienne, quoi. Une petite émission à l'ancienne. J'aime beaucoup les émissions à l'ancienne. J'aimerais en fait pouvoir passer passer mes disques tout seul avec juste le carton de vinyle et on passe des disques. Ce serait voilà. Vous sortez du siècle dernier, Francis Viel. Ouais, ça me poursuit un peu, c'est un problème. Mais je m'adapte. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette mécanique qui nous a emmenés loin dans les siècles, dans les styles aussi musicaux. Merci beaucoup, Francis Viel. Et puis donc, on vous retrouve pour le moment dans la sélection Soul R&B tous les lundis à 20h sur Move. Exactement, et sur move.fr. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci à vous.